Dernière ligne droite. Chaque période de vacances est suivie d'un temps d'adaptation, histoire de remettre les pieds sur terre. Las, les semaines se succèdent et se ressemblent mortellement. En Faustine, la révolte mûrit. Pas question de finir enchaînée à sa machine à coudre. Elle ronge son frein, cherche une issue. Et le temps passe, jusqu'au jour où elle se surprend à fredonner de nouveau. Elle a reçu quelques lettres enflammées de Fred, un camarade connu au camp, gentil mais un peu fade, qu'elle avait à peine remarqué. La sachant avec Philippe, il n'avait pas osé lui déclarer son amour, mais maintenant que chacun est rentré chez soi, il lui ouvre son cœur. « Trop tard, » pense Faustine qui lui répond gentiment, « pour la première et dernière fois. » De son côté, sans connaître son adresse correcte, Versailles c'est grand, elle a essayé 5 fois d'écrire à Philippe. Puis, elle est passée à autre chose. Stéphane a commencé le judo dans un club à Antibes. Il l'a fait rire l'autre jour en lui disant le plus sérieusement du monde du haut de ses 12 ans. « Dès que je serai ceinture noire, je te défendrai, Mastine !» Faustine, de son côté, a repris les cours pour cette seconde et dernière année d'apprentissage. Rien n'a changé. Elle s'ennuie toujours autant. Le samedi, elle retourne à la bibliothèque. Elle découvre Jenner, Léo de Hurlevent, Rebecca, à l'est d'Eden, des souris et des hommes. Elle aime aussi Marcel Pagnol, préfère les livres aux films. Elle ne supporte pas l'air pleurnichard d'Oran de Mazis, ne comprend pas pourquoi Pagnol l'a choisie, ne sait pas que c'est sa femme. Elle apprend par cœur des pages entières de Prévert. Vous resterez là, sentinelle, à la porte du bordel, et vous garderez mon sérieux. Moi, je monte avec ces dames. Il faut bien rigoler un peu. Dans le travail, maman, passant à l'étape supérieure, lui donne plus de responsabilités. Sur le plan domestique aussi. Elle l'a même autorisée à cuisiner un dîner toute seule. Gratin de pâtes, salade et tarte aux pommes. En plus, c'était bon. Alors, puisqu'elle s'est préparé un repas, Faustine profite d'une soirée discussion avec maman pour la convaincre de la laisser partir en Suisse allemande tout de suite après la fin de son apprentissage. Toutes les jeunes filles suisses de langue française le font pour apprendre l'allemand. Maman, qui n'a jamais voulu renseigner sa propre langue à ses enfants, tant elle la trouvait moche, aurait mauvaise grâce de refuser cette année au père à sa fille. Déjà qu'elle l'a empêchée de poursuivre ses études. Faustine, de son côté, espère bien que l'année en question se prolongera toute la vie. Pourquoi pas? Une fois partie, qui l'obligera à revenir? Noël approche. Cette année, les parents aimeraient bien retourner à Torrancq, où ils sont allés l'an passé, pendant que Faustine était à la Toussuire. Ils réservent pour 4 à l'auberge des Merisiers, entre Noël et Nouvel An. Torrancq est une jolie petite station située dans le parc naturel des Préalpes. On fera des balades dans la neige, lira au coin du feu, jouera aux cartes et dégustera l'excellente nourriture de l'auberge. Faustine n'est jamais allée à l'hôtel avec ses parents. L'expérience est amusante. Elle partage une chambre double avec Stéphane. Elle a pris tous ses livres du moment. Les environs sont superbes. Il y a beaucoup de chemins de randonnée et même un lac. Parfois, ils sortent tous ensemble. Parfois, Faustine fait cavalier seule. À part les merisiers, il n'y a qu'une petite échoppe touristique où on trouve cartes postales et friandises en face du restaurant des chasseurs. Au retour d'une promenade, Faustine y boira un thé avec ses parents, histoire de changer de crèmerie. Ils sont servis par le fils de la tenancière, un superbe garçon qui ressemble à James Dean. On est un peu moins bien quand même. Les parents font connaissance avec la maman du Playboy, une femme fort sympathique, qui les invite au réveillon du Nouvel An. Ils acceptent de passer pour le café, puisqu'ils ont déjà réservé le repas au mûrisier. Le soir venu, Faustine finit son assiette en vitesse et les précède, sous prétexte de réserver les places. Max l'accueille gentiment, lui offre un verre de vin rouge, puis un autre et encore un autre dès que les parents rejoignent l'assemblée. Faustine, complètement pompette, devient très sentimentale. Elle bombarde le jeune homme d'œillades explicites pour qu'il l'invite à danser. Or, celui-ci, qui a déjà sa danseuse, l'ignore délibérément. Elle n'obtiendra qu'une seule danse lorsque ce sera au tour des filles d'inviter les garçons et qu'il ne pourra décemment pas refuser. Il est minuit, tout le monde s'embrasse. Bonne année 1974. Max prend la tangente avec sa copine. Sourde et aveugle à toute autre sollicitation, Faustine remplit son verre et le vide jusqu'à ce que maman décide que ça suffit comme ça, tu as bien assez bu, tu devrais avoir honte, il est temps de rentrer. À moi les murs, la mer monte, gémit l'adolescente qui, pour la toute première fois de sa vie, a l'impression que son lit tangue. De retour à la maison, on prend la nouvelle année à bras-le-corps. Le commerce se développe. À chaque saison, le carnet de commandes se remplit un peu plus. Désormais, il faut fournir près de 2000 pièces à la fois. Les locaux d'Antibes sont déjà trop exigus, et puis papa, qui a des problèmes d'asthme depuis toujours, ne supporte plus de vivre si près de la mer. Il y fait vraiment trop humide. Les parents se laissent 3 mois pour trouver un nouveau logement sur les hauteurs, puis 3 autres pour orchestrer le déménagement avant le départ de Faustine. Et c'est reparti, après un nouveau spaghetti mémorable, pour le tourisme immobilier, sur petites annonces ou au travers d'agences. Pendant les vacances de Pâques, les enfants sont souvent du voyage. Faustine et Stéphane adorent ces recherches. Visiter toutes sortes de maisons. Certaines sont entourées de jardins magnifiques. L'une d'elles se trouve perchée de telle manière qu'il faut un petit téléphérique pour y accéder. Une autre, avec son salon tout en pierre de taille, donnant sur une pinède, pourrait aussi bien accueillir Romain Gary que Scott et Zelda Fitzgerald. Une troisième est carrément un petit château entouré d'un parc aux innombrables variétés de fleurs et d'agrumes. Hélas, ces maisons, si elles sont parfaites pour des vacanciers, ne conviennent pas du tout à des artisans. Enfin, les recherches patientes et systématiques portent leurs fruits. Ils finissent par trouver leur bonheur à Grasse, dans une belle villa cossue comportant 2 logements. Celui du premier étage, immense salon, 2 chambres à coucher, cuisine et salle de bain, servira d'appartement familial. Celui du rez-de-chaussée comprendra l'atelier, le bureau de papa et 2 pièces pour les stocks et les produits finis. Par ailleurs, dans la vieille ville de Grasse, papa trouvera un immense entrepôt et engagera un gentil retraité pour s'occuper des stocks de vannerie et des teintures. Mars, avril et mai, tout le monde travaille avec acharnement afin d'honorer les commandes de la fête des mères et produire les réserves pour l'été. Faustine arrive à s'échapper pour le festival de Cannes, puis début juin, elle passe le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. À la grande stupéfaction de Faustine, une fois qu'elles ont reçu leur fiche à remplir avec toutes les questions de l'examen et que la prof les a laissées mariner une petite heure, cette dernière retourne le tableau sur lequel sont écrites toutes les réponses. Pratique, chacune se corrige alors et c'est fini par là. C'est ça aussi la France. Faustine et ses camarades s'engouffrent dans les 2 ou 3 voitures disponibles et descendent à la plage pour fêter ça, avec beaucoup trop de bière. Cette fois, Faustine est carrément malade, mais se débrouille pour que ça passe inaperçu à la maison. Tout le mois est occupé par le déménagement. Des cartons, encore des cartons, toujours des cartons. Le 30 juin, les transporteurs arrivent. Le 1er juillet, la Villa Matalia, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, est à eux. Il ne reste plus qu'à tout ranger et se mettre au travail. Papa et maman commandent une table en noyer massif pour la salle à manger, ainsi qu'un canapé pour le salon. Que c'est bon d'avoir enfin de la place, soupire maman. La maison bénéficie aussi d'un immense jardin dans lequel trônent quelques citronniers. En contrebas, l'occupant précédent a installé quelques cages à poules qui ne demandent qu'à retrouver des locataires. Il n'y a que pour Faustine que rien n'est prévu. Puisqu'elle part dans moins d'un mois, ce n'est pas la peine de lui trouver un logement. On installe un lit pliant dans le bureau de papa. Tous les soirs, elle soufflera par la fenêtre la fumée de sa royale mentole. en écoutant les criquets et les cigales chanter dans le jardin. Juste avant la nuit, elle admire la vue qui s'étend jusqu'à la mer. Les étoiles brillent sur les oliviers centenaires dont le feuillage murmure des promesses de liberté. Un matin d'août, les valises de Faustine sont bouclées. Son billet est pris, sa couchette réservée. Elle part une année à Bâle, chez d'anciens clients et amis de son oncle, les Wolfs, un couple de jeunes quinquagénaires, parents de deux garçons de 10 et 12 ans. Grossistes, ils gèrent depuis leur villa une entreprise d'import-export de poissons. Faustine exulte à l'idée d'aborder sa nouvelle vie. Papa, maman et Stéphane l'amènent à la gare de Cannes, où elle prendra le train de nuit après un dernier gueuleton familial dans un bon restaurant. À Bâle, elle commencera par savourer 2 semaines de vacances au camping avec son oncle et sa tante avant d'aller prendre ses marques chez les Wolfs. Dans quelques jours, elle aura 18 ans. Faustine monte dans le train après d'ultimes embrassades, confiante en son avenir et la joie au cœur. Ce soir, le monde lui appartient. En voiture donc, et vive la liberté !